Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Nous avons commencé de parler des facteurs qui accompagnent la rencontre avec notre nom divin. Et les deux jours derniers, nous avons parlé de la perception de la lourde responsabilité. Tulikuwa tukizungumzia juu ya mambo yanayosindikiza kukutana na jina letu mpya. Na siku mbili zilizopita tuliweza kuongelea mtazamo wa uzito wa jukumu yetu. Ce soir, nous voulons aborder na mangaribi ya leo, l'intégration dans l'école de Dieu. Tungependa tuongelee kujiingiza ndani ya shule la Mungu. Alléluia. Amina. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un pour lui donner son nom, kila mara Mungu anapomwita mtu ili ampatie jina lake, en fait, il est normal, ni kawaida, que lorsque Dieu nous donne un nom, Mungu anapotupatia jina, nous sommes ce que nous sommes. Tuko ile tulio. Très souvent, mara nyingi, Dieu ne cherche pas à donner des noms aux gens qui sont déjà parfaits ou aux personnes qui sont déjà préparées. Mungu hawapatie watu majina ambao wameshakuwa kamilifu ama ambao wameshakujitayarisha. Mais il donne des noms. Lakini anawapatia majina à des personnes indignes, à des personnes qui ne savent pas, qui n'ont aucune idée, à des personnes qui parfois ne savent pas où ils vont dans la vie, à des personnes qui ne savent pas. Kwa wale watu ambao hawastahili na ambao wajua wanaendea wapi ndani ya maisha. Alléluia. Amina. Pourquoi tu fais comme ça, Seigneur? Sababu gani unafanya hivi Bwana? C'est afin que ni kwa ajili personne n'ait l'idée que Dieu fait exception des personnes. Kusikue mtu atakaye waza ya kwamba Mungu ana upendeleo. Parce que si Dieu devait sélectionner les gens qui sont déjà bien fabriqués, sababu Mungu angewachagua watu ambao wamesha kujengwa vizuri, les autres diraient, wengine wangepaswa kusema, oh, si j'étais comme tel, ningekuwa kama fulani, Dieu allait aussi Mungu naye sangenipatia ni s'intéresser à moi. Si Mungu angenipaswa si kuniona, j'étais comme mama tel, ningepaswa kuwa kama mama fulani. Si j'étais riche comme tel, ningekuwa tajiri kama fulani. Si j'étais instruit comme tel, ningekuwa nimefunzwa kama fulani. Si j'étais dans tel rang social comme tel, ningekuwa ndani ya utajiri kama fulani. Dieu peut-être allait me chercher. Sasa moja Mungu angenitafuta. Je me redis ce soir à quelqu'un, ningependa niambie mangaribi ya leo kwa mtu, tel que tu es, jinsi ulivyo, tu as besoin de ton nom, unahitaji jina lako, tel que tu es, jinsi ulivyo. Et nous avons observé que toutes les personnes que Dieu, à qui Dieu a donné des noms, na tulichunguza ya kwamba watu wote ambao Mungu aliwapatia majina, ils ont brandi à Dieu ce qu'ils étaient, walionyesha Mungu ila ambayo walikuwa, comme raison, kama vile sababu, de leur indignité, ya kutostahili kwao, comme raison de ne pas y aller, kama sababu ya kusema hatuwezi kwenda. Heureusement, lakini bahati nzuri, Dieu, Mungu, il est allé vers eux et il nous a donné des modèles. Akawaendea na ametuonyesha mifano. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mais rappelez-vous aussi de la réalité suivante. Lakini mkumbuke ukweli huu. Je vous ai dit la fois passée, niliwaambia mara iliyopita, que à cause de cela, ya kwamba sababu ya hiyo, il y a beaucoup de gens, kuna watu wengi, qui sont des solutions, ambao ni majibu, pour des peuples, kwa ajili ya mataifa, pour les familles, kwa ajili ya jamaa zao, pour des tribus, kwa ajili ya makabila, pour des nations, kwa ajili ya mataifa, mais qui ne connaissent pas encore, lakini ambao hawajajua, et qui se vautre encore dans la boue du péché. Na ambao ngali wanachezea ndani ya mavumbi ya zambi. Tu as un enfant. Una mtoto. Que tu vois juste comme ton enfant. Na unamuona kama tu mtoto wako. La maman peut se rappeler du jour où elle a couché, elle peut se rappeler de comment elle allaitait. Elle a allaité récemment, il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Na mama anaweza kumbuka njisi alimnyonyesha, njisi alivyomzaa. Et puis l'enfant commence à se gâcher. Na kisa mtoto. Ou l'enfant a commis une faute. Mtoto anaanza kufanya makosa. Mais si Dieu t'a donné la grâce de connaître qui est cet enfant, lakini kama Mungu amekupa neema ujue ule mtoto ni nani, tu peux déjà commencer à l'appeler par son nom. Unaweza anza kumuita kupitia jina lake. Regarde l'exemple de Rebecca. Angalia mfano wa Rebecca. Dieu lui a expliqué ce qui se passait dans son sein. Mungu alimufasiria iliyokuwa inapitikana ndani ya tumbo lake. Il a dit dans ton sein il y a deux nations. Na kamwambia tumboni mwako muna mataifa mbili. Mais l'une sera soumise à l'autre. Lakini taifa moja itatishwa kwa taifa lingine. Le plus petit, ule aliye mdogo, sera plus grand que le plus grand. Atakuwa mkubwa kuliko yule aliye mkubwa. Et je crois quand elle allaitait les jumeaux, na naamini alipokuwa akiwanyonyesha wa mapasa, elle se rendait compte, alikuwa na gundua ya kwamba, que ça c'est le grand, ça c'est le petit. Huu ni mkubwa na huu ni mtoto mdogo. Mais Dieu a dit, lakini Mungu alisema, que le nom de ce petit, ya kwamba jina la huu mdogo, c'est lui le plus grand. Ni yeye ndiye mkubwa. C'est-à-dire c'est lui l'héritier. Ni kusema yeye ndiye mrithi. J'imagine le jour où Jacob pouvait commettre une faute. Naona wakati Yakobo angepaswa kufanya makosa. Et que Rebecca le frappe. Na Rebecca namupiga. Et dit, on a le kichwa. Vois-moi sa tête. Les anges pouvaient venir à côté de maman Rebecca. Na wamalaika wangepaswa kuja karibu yake na kumwambia, cet enfant s'appelle pas Lukichwa. Mtoto huyu sio Lukichwa. Il s'appelle, anaitwa une nation. Taifa. Et pouvait dire we nyama we ngombe. Toi bête. Mbuzi, we mbwa. N'est-ce pas les parents vous faites ça, non? Angepaswa kumuchamba. Fimbo tano we. Mbwa we. Sensi kote. Chien, gouroué, porc. Pourtant, il est en train de frapper un père des nations. Baba wa mataifa. Hey. Mais vous savez, lakini mnajua, il n'est pas interdit de frapper un père de la nation. Haikatazwa kupiga baba ya taifa. Parce que la Bible dit, sababu Biblia nasema, il ne faut pas éviter le fouet à l'enfant. Usimwime mtoto fimbo. Parce que le fouet est nécessaire pour amener l'enfant dans sa destinée. Sababu fimbo hiyo tamweka mtoto ndani. Donc Rebecca peut frapper l'enfant. Sababu wakati Rebecca napiga mtoto, et dire utapata leo tano. Aujourd'hui tu auras 5 sikots. Ça qui chef. 5 sikots qui égale à ta et il va lui donner 5 fouets de chef des nations. Na atamupiga ile fimbo tano ya kufuatana na ukubwa wake. Je crois que ça doit être de bons fouets ça. Hein? Itakuwa ni fimbo nzuri kabisa. Parce que pour que tu arrives vraiment à être le chef des nations. Sababu ili wewe ukue baba wa mataifa. Il faut que te corrige bien. Inaomba uweze kukupiga vizuri. Mais si tu corriges un porc. Lakini kama unarekebisha nguruwe. Mais la nature du porc, demain il va encore faire ça. Nguruwe sitafanya tena vile vile kesho. Mais quand tu corriges un chef de nation, lakini unaporekebisha ambaye ni bwana wa mataifa, la chose monte dans son esprit. Ile kitu napanda ndani ya roho yake. Et cet enfant se rappelle que en fait, na ule mtoto anakumbuka ya kwamba, je suis chef de nation. Mimi ni baba wa mataifa. Je dois bien étudier. Napaswa kujifunza vizuri. Je dois bien me mettre dans l'ordre. Napaswa kujiweka vizuri ndani ya taratibu. Je dois pas n'importe quoi. Sipaswa kuingia ndani ya kila kitu. Le fouet de chef de nation. Ifimbo vont avoir beaucoup plus de résultats. Zitakuwa na matokeo nyingi. que le fouet des porcs. Kushinda hii fimbo ambayo naweza kupiga nguruwe. Est-ce qu'il y a une maman qui va renoncer au fouet des porcs cet après-midi? Je kuko mama ambaye atakataa kupiga watoto kama nguruwe. Ne donne plus le fouet de porc ou de vache. Usiwapige watoto kama nguruwe ama kama ngombe. Donne le fouet de docteur. Uwapige kama vile wanganga. Le fouet de ministre. Uwapige kama wawaziri. Le fouet de évangéliste. Uwapige kama wainjilisti. Donne le fouet de quoi? Des bishops. Wapatie mafimbo za waskofu. C'est quoi? Bishop. Homme d'affaires. Donateur sans réserve. Le fouet des donateurs sans réserve. Unamupiga fimbo kama anayekuwa kupana juu ya kazi ya Mungu bila kufunga mkono. Vous voyez? Mnaona? Ça va être plus positif et plus éducatif. Itakuwa mzuri sana na yenye kufunza. Alléluia. Amina. Alors Dieu, na Mungu, pendant que nous sommes informes, wakati hatuna utu wote, et parfois nous ne savons pas, na mara hatujui, on ne sait pas où on va, hatujui tunaendea wapi, mais au ciel, lakini mbinguni, Dieu sait ce qui est prévu, Mungu anajua iliyotayarishiwa, et qu'il t'accorde l'opportunité d'être visité, na anapokupatia fursa pour que tu saches à temps, ili ujue kwa muda, où tu vas. Unaendea wapi? Parce que ton nom détermine où tu vas. Sababu jina lako linaonyesha wapi unaendea. Et dès l'instant où tu attrapes ton nom, na wakati unapochukua jina lako, Dieu, Mungu, ne te laisse pas comme il t'a trouvé. Hata kuachilia njisi alivyokukuta. Parce que l'état où il t'a trouvé, sababu hali aliyokukuta ndani, ne peut pas arranger l'accomplissement du contenu de ton nom. Haiwezi sababisha kufika kwa ile inayokuwa ndani ya jina lako. Ça peut pas faciliter, ça peut pas favoriser. Haiwezi rahisisha. Ça peut pas favoriser l'accomplissement du contenu de ton nom. Haiwezi rahisisha utimilifu wa iliyo ndani ya jina lako. Il faut que Dieu travaille sur toi. Inaomba Mungu atumike juu yako. Et que le Seigneur travaille sur moi. Na Mungu mtu anaweza kusema Bwana utumike juu yangu. Mais il est un fait. Lakini que pendant que nous grandissons, wakati tunakomaa, depuis notre enfance, tangu utoto wetu, comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, njisi Mungu ni Bwana wa nyakati na majira, il arrive que pour certains enfants, inafikia kwa watoto wa moja, Dieu soit en train de les canaliser, de les incliner quelque part. Mungu anakuwa akiwaendesha fasi fulani. La plupart des temps, nyingi za wakati, les talents naturels, hii talanta ambayo ni kawaida, sont des indicateurs de ce que ressemble à ce que Dieu est en train d'attendre en nous. Zinakuwa vitu vinavyoonyesha ile ambayo Mungu anagojea kwetu. Il ne faut pas négliger tes talents naturels. Hayombe uzarau ile karama yako ya kawaida. Ça peut t'aider à repérer les directions ou les orientations vers lesquelles Dieu est en train de te canaliser. Inaweza kukusaidia ujue wapi Mungu anapenda uendee. Pourquoi? Sababu gani? Tout investissement que Dieu dépose en toi, kila mawekezo ambayo Mungu anaweka ndani yako, a une finalité. Inayokuwa na mwisho wake. Ça a un objectif. Inakuwa na shabaha. Mais il est vrai aussi, lakini ni kweli pia, que Dieu est multisystème. Mungu anapitia njia nyingi. Il peut déposer en toi tel talent. Anaweza weka ndani yako karama fulani. Mais qui servira plus tard? Lakini ambao utatumika nyuma yake. Et il va t'orienter dans un usage aujourd'hui dans tel domaine. Na atakuongoza ufanye kitu fulani ndani ya uwanja fulani. Parce que nos noms, sababu jina zetu, sont multisectoriels. Zinaweza kutumika ndani ya uwanja nyingi. Alléluia. Amina. Lorsque tu as un nom de médecin, wakati una jina la uganga, tu as besoin aussi, unahitaji, dans ton parcours, ndani ya njia yako, d'une capacité de psychologue. Ukuwe na uwezo wa psikolojia. Tu peux avoir ce talent là. Unaweza kuwa na ile karama. Parce que ça va te servir aussi. Sababu itakusaidia pia. Dans ton métier. Ndani ya kazi yako. C'est pourquoi il faut rien négliger dans la vie. Ndio maana haiombe uzarau kitu maishani. Lorsque nous menons une vie attentive, tunapoishi maisha ya umakini, ça nous permet inaturahisisha de percevoir les choses qui sont importantes tutazame mambo yaliyo ya maana pour notre vie. Kwa ajili ya maisha yetu. Alléluia. Amina. Regardons deux expériences. Tuone mifano mbili. La première, mfano wa kwanza, dans Actes chapitre 9, ndani ya matendo ya mitume, l'expérience de Saul. Hii ni mfano wa Saulo. Vous connaissez l'histoire. Mnajua historia. Il est écrit au premier verset, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il ne serait pas, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Alléluia. Amen. Au verset 12, alors à 11 d'ailleurs, et le Seigneur lui dit, lève-toi, il parle à Ananias, Dieu parle à Ananias, il dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui rentrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Et Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mâles que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui évoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Il y a de la souffrance dans nos noms aussi. Kuna mateso pia ndani ya jina zetu. Vous avez vu ça? Umeona hiyo? Il est porteur de mon salut aux nations. Atapeleka okovu wangu kwa mataifa. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, persécuteur, mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il resta quelques jours. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant ?» Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontra que Jésus est le Christ. Dès l'instant où tu rencontres ton nom, wakati unapokutana na jina lako, Dieu te prend en charge. Mungu anakushughulikia à son école. Ndani ya masomo yake. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Pour quelle finalité dois-tu entrer dans l'école de Dieu? Kwa sababu gani utaweza kuingia ndani ya masomo ya Mungu? Parce que Dieu est conscient. Sababu Mungu anayo dhamiri. Que tu ne conviens pas. Ya kwamba haustahili. À ce nom qu'il vient de t'annoncer. Kwa ile jina ambalo amekutangazia. Aucun d'entre nous. Hakuna mmoja kati yetu. Ne convenons. Ambaye anastahili. À ce nom. Na ile jina. Que Dieu a prévu. Ambaye Mungu ametayarisha. Il faut que tu acceptes l'école de Dieu. Inaomba ukubali masomo ya Mungu. Et quand nous disons école de Dieu. Na tunapozungumzia masomo ya Mungu. Nous entendons tout ce que Dieu va permettre que ça t'arrive. Tunaelewa ile ambayo Mungu ataruhusu kufikie. Pour te recadrer. Ili kuweke kwenye njia. Pour te canaliser. Ili kuweke kwenye mstari. Pour te former. Ili kufundishe. Et pour t'amener à être plus effectif. Na ili ukupeleke uwe kamilifu zaidi. À accomplir ta destinée. Kwa kutimiza hatima yako ama maisha yako ya kweli. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Nous voyons Saul. Tunaona Saulo. Que Jésus-Christ lui-même vient de prêcher. Yesu Kristo yeye mwenyewe amemaliza kumhubiri. Et à l'école de Jésus, na kwenye masomo ya Yesu, il y a des enseignants. Kuna walimu. Humains. Ambao ni wanadamu. Circonstances. Ambao ni majira. Épreuves. Ambao ni majaribu. Vous voyez ces enseignants là? Mnaona walimu wale. Dieu a de multiples enseignants. Mungu anao walimu wengi. Il peut t'envoyer chez Ananias. Anaweza kukutuma kwa Anania. Pour que Ananias prie pour toi. Ili Anania kuombe. Que Ananias te donne une leçon. Ili Anania kupatie somo. Que Ananias te donne une information. Anania kupatie habari. Mais il peut t'envoyer aussi dans une circonstance. Lakini anaweza kukutuma ndani ya majira. Pour que cette circonstance. Ili majira ile. Tue de l'orgueil en toi. Yende ikavunje kiburi ndani yako. Pour que cette circonstance ili majira, corrige ta manière de voir. Irekebishe njisi yako ya kutazama. Pour que cette circonstance ili majira hiyo, t'encourage. Yende kakutie juhudi. Que cette circonstance ile majira, te révèle comment Dieu fonctionne. Ikufunulie namna gani Mungu anavyoenenda. Il peut t'envoyer dans une épreuve. Anaweza kukutuma ndani ya jaribu. Afin que l'épreuve ili jaribu ile, te brise. Yende kakufunje. Alors, en tant que des hommes et des femmes kama destinés à recevoir leur nom, ambao umetayarishwa kupokea jina zao, nous devons nous intégrer à l'école de Dieu. Tunapaswa kujiingiza kwenye masomo ya Mungu. Dites à ton voisin, intégrer. Mwambie jirani yako ujiingize. Le refus d'intégration, kukataa kujiingiza, c'est le refus du nom. Ni kukataa jina. Si tu refuses d'entrer dans l'école de Dieu, ukikataa kuingia ndani ya masomo ya Mungu, alors oublie ton nom. Sasa usahau jina lako. Dieu dit à Pierre, Jésus dit à Pierre. Yesu akamwambia Petro. Il dit Pierre. Akamwambia Petro. Quand tu étais jeune, wakati ulipokuwa ungali kijana, tu saignais ta ceinture. Ulikuwa ukiweka mkaba wako. Toi-même. Wewe mwenyewe. Et tu allais où tu voulais. Na ulienda mahali popote ulipotaka. Et quand tu seras grand. Lakini utakapokuwa mkubwa. Un autre. Mtu mwingine. Te sendra. Atakuweka mkaba wako. Et il t'amènera. Na atakupeleka. Où tu ne voudras pas. Mahali ambapo wewe hautataka. Qu'est-ce que ça veut dire? Inamaanisha nini? Qui est cet autre là? Ule mtu mwingine ni nani? C'est Dieu. Ni Mungu. Mais même lorsque Dieu t'amène là où tu ne veux pas. Lakini hata wakati Mungu anakupeleka mahali ambapo hautaki. C'est en fait. Ni kwa kweli. Dans une facette de ton nom. Ndani ya uso moja wa jina lako. Je vous ai dit dans un séminaire la fois passée. Niliwaambia ndani ya mkutano moja wakati uliopita. que dans notre vitesse de croisière, nous devons aussi accepter les contours divins. Dites les contours divins. En Kiswahili, ni lukumba ya Mungu. Rukumba, rukumba. Itika marukumba za Mungu. Accepte les contours divins. Les contours divins. Lukumba ya Mungu. Et tous ces contours-là na lukumba hizo n'ont pas d'autre objectif que de te rendre beaucoup plus effectif. Kama ni kukufanya uwe kamilifu zaidi. Vous avez vu certaines personnes, mumeona watu fulani, lorsqu'il a accepté Jésus, wakati amempokea Yesu, le travail est terminé. Kazi naisha. Il s'est dit, ah, ce Dieu-là, c'est une malédiction. Mungu ni, ni laana. Comment moi je le reçois aujourd'hui? Sa, namna gani nampokea leo? Et on me dit que le contrat est arrêté. Na wananiambia ya kwamba kazi imeisha. Or, s'il analyse bien quel travail il était, ijapokuwa akichunguza ndani ya kazi alipokuwa ndani. Il peut se rendre compte comment il est dans ce travail-là. Anaweza kugundua namna gani aliingia ndani ya kazi hiyo. Et qu'est-ce qu'il vit dans ce travail? Na nini anayoishi ndani ya kazi hiyo? Il y a des sœurs qui vivent dans leur travail comme femmes du boss. Kuna wanaoishi ndani ya kazi zao kama vile wanawake wa mabosi. Tu es bien payé. Unalipwa vizuri. Mais Dieu te sauve. Lakini Mungu anakuokoa. Tu acceptes le salut. Unakubali wokovu. Et Dieu considère. Na Mungu anaona. Si je laisse ma fille ici. Nikiacha binti wangu. Elle va continuer à se salir. Ataendelea kujichafua. Bien vaut la retirer déjà. Ni heri ningemtoa huko. Que le prochain rendez-vous échoue déjà. Kuliko mkutano unaofuata. Mais elle va pas regarder cette facette-là. Lakini ataangalia uso huo. Elle va juste regarder le fait que kazi inaisha. Ataangalia tu ungisi kazi yake imekwisha. Et sa réflexion sera oh. Na mafikiri yake takuwa akijuta. Tutakula nini? Qu'est-ce que nous allons manger? Takuwa wanani? Je serai pour qui? Or, Dieu vient de l'inscrire. Ijapokuwa Mungu amemwandika. À son école. Ndani ya masomo yake. Pour qu'elle apprenne maintenant à trouver un travail qu'elle va exercer dans la dignité et dans la pureté. Bwana sifiwe. Amina. Et si je parle à quelqu'un ce soir, mzungumzia mtu mangaribia leo. L'école de Dieu masomo ya Mungu est indispensable ni ya maana sana pour notre avancée kwa kusogea mbele kwetu dans l'expérience de notre nom ndani ya kuishi jina letu. Et ce soir na mangaribia leo, je voudrais que quelqu'un prie le Seigneur. Ningependa mtu amuombe Bwana. Elle lui dise, mon Dieu, na mwambie Mungu wangu, même si je ne connais pas encore mon nom, hata kama sijaijua jina langu, je suis en train de le chercher, niko naitafuta, je suis prêt, niko tayari, à entrer dans ton école, niingie ndani ya masomo yako, je ne veux pas bouder, sitaki nikatae, je ne veux pas refuser, sitakataa, je veux accepter ton école, nitakubali masomo yako. Quelqu'un peut dire amen? Mtu anaweza kusema amina? Tu peux bien dire amen? Unaweza sema amina vizuri? Regardons l'expérience de David. Tazame mfano wa Daudi. Dans 1 Samuel. Ndani ya Samueli wa kwanza. Chapitre 16. Sura 16. Expérience de petit David. Ukijana Daudi. Verset 1 à 4, il est écrit, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Allez, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. » Ule ninayohitaji kuwa mfalme ndani ya wanawake. Alléluia. Amina. J'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je désire. Nimeona miongoni mwa wana wa Yese ule ninayohitaji. Bwana asifiwe. Amina. Et puis na kisha il alla chez Isaïe. Akaenda kwa Yese. Il arriva et trouva des beaux gars. Nakafika huko akawakuta vijana wazuri. Des hommes géants, des hommes bien. Vijana wakubwa. Quand tu le vois, tu te dis, mufalme kwamu. Unapomuona kabisa unasema, c'est sincèrement celui-ci le roi. Et à chaque fois Dieu lui disait, Dieu ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil. Na kila mara Mungu alimwambia Mungu angalie kwa inayopiga kwa macho. Jusqu'à ce que tous les enfants qui étaient à la maison jusqu'à 7 personne n'était dedans. Paka wakati watoto wote waliondoka ndani ya nyumba. Et il dit à Isaïe, est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant? Na kamuliza Yese, je hakuna mtoto mwingine? Oh, il y a un petit qui garde les brebis dans la maison. Dio, kuna kijana moja ambaye anachunga kondoo. Okay, allez le chercher. Asemwende mkamtafute. On va siéger quand il va arriver. Na tutapata tutafanya kikao atakapofika. Et lorsque le petit arriva. Na wakati ule kijana alipofika. Dieu dit, Mungu akasema, lève-toi. Simama. Ouin-le. Umpake. Car c'est lui. Sababu ni yeye. C'est-à-dire le nom que Samuel apporte dans cette famille. Ni kusema jina ambao Samuel analeta ndani ya jamaa hii. Appartient à David. Ni ya Daudi. Même si tu me ressembles. Hata kama unanifanana. Dieu ne peut pas te donner mon nom. Mungu hawezi kukupatia jina langu. Même si tu as plus d'avantages que moi. Hata kama una faida nyingi kunishinda. C'est-à-dire si les hommes doivent faire le choix. Ni kusema wanadamu wanapochagua. Ils peuvent dire. Wanaweza kusema. C'est celui-ci qui mérite. Huyu ndiye anayestahili. Ça passe pas comme ça chez Dieu. Mbele ya Mungu si hivyo. Pour quelle raison? Sababu gani? Le nom qui t'appartient jina ambayo ni yako a été défini depuis le sein maternel. Imewekwa tangu ndani ya tumbo la mama yako. Donc, ni kusema, Dieu dit à Samuel, Mungu anamwambia Samueli, c'est lui. Ni yeye. Les autres que tu voyais, ce n'étaient pas eux. Wengine uliokuwa ukiwaona haikukuwa wao. Autrement dit, les colis. Ni kusema ile mfuko. Le colis que tu apportes dans cette famille. Mfuko ambao unaleta ndani ya jamaa hiyo. C'est pas pour Eliab. Sio ya Eliab. C'est pas pour Aminadab. Sio ya Aminadab. C'est pas pour tous ces hommes là. Sio kwa wale watu wote. C'est pour lui. Ni kwa ajili yake. Et ça c'est un petit. Sio ni mtoto kidogo. Il n'a pas d'expérience. Hana utaalamu. Tout ce qu'il sait ce sont les brebis. Yote anayojua tu ni kondoo. D'ailleurs, si tu ouvres bien tes narines, tu vas constater, il sent. Ukifungua mapua utaona ya kwamba ananuka hata kondoo. Mais comment il va diriger la nation un petit comme ça? Namna gani atatawala taifa kijana mdogo kama na huyu? Mais si c'est lui. Lakini kama ni yeye. C'est lui. Ni yeye. Alors dis à ton voisin, si c'est toi. Sasa ambia jirani yako kama ni wewe. Ni wewe. Si c'est toi, c'est toi. Kama ni wewe, ni wewe. Même si tu sens l'odeur de bouse, de vache. Hata kama unanuka ngombe. C'est toi. Ni wewe. Ce qui est à toi, est à toi. Ni yako, ni yako. Alléluia. Amen. Qu'importe les grands frères et les grands messieurs du pays ou les grands messieurs de la nation et de l'Afrique. Ce qui est à toi, c'est pour toi. Qu'importe la condition que tu es. Même si tu n'as pas étudié. Ton nom, c'est ton nom. Pourquoi Dieu fait comme cela? Parce que Dieu a prévu une école de Dieu. Si les parents ne t'ont pas fait étudier, Dieu va te faire étudier, même sans papier. Beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été importants dans ce monde ne sont pas toujours ceux qui sont allés à l'école. On m'a dit que la plupart des milliardaires dont on entend parler ne sont pas des gens qui ont des doctorats ou des maîtrises. Est-ce que c'est vrai? Hey. Qu'est-ce qui les a amenés à ça? C'est le nom prévu. Tu as un nom prévu sur toi. Cessez de pleurer. J'ai rencontré certains jeunes gens qui chantent à tout moment. Tu vois comme je suis orphelin. Tu vois comme je suis frère. Tu as déjà 25 ans. Tu dois plus chanter ces chants de je suis orphelin. Tu vois, j'avais perdu mes parents quand j'avais 2 ans. Ça va. Et si les parents étaient là, ils allaient faire quoi? Si tu as Dieu, kama una Mungu, à l'absence des parents, hata wazazi hawapo, mais tu es mieux que ceux qui ont des parents. Si wawe ni bora kuliko walio na wazazi. Il y a des enfants qui ont des parents voyous. Kuna watoto ambao wanakuwa na wazazi ambao ni wenda wazimu. Il y a des enfants qui ont des parents fous. Kuna watoto wanaokuwa na wazazi ambao ni wenda wazimu. Toi, le tien est mort déjà. Lakini wewe wako amesha kufa. Mais tu as eu Dieu. Lakini umepata Mungu. Où est le problème? Shida iko wapi? Lève-toi. Simama. Marche. Anza kutembea. Avance dans la vie. Endelea ndani ya maisha. Oublie ces tentatives, ces choses. Acha kuangalia angalia uko na kule. Entre dans l'école de Dieu. Ingia ndani ya masomo ya Mungu. Cherche ton nom. Tafuta jina lako. Et vis ton nom. Na isi jina lako. Ce nom-là, ile jina, nous conduit dans l'école de Dieu. Inatuongoza ndani ya somo masomo ya Mungu. À l'école de Dieu, il n'y a pas de frais académiques. Na kwenye masomo ya Mungu hakuna fedha za kulipa. Eh, Pasteur Pierrot, wewe ulishalipa frais académiques. Sasa Mungu alikutosha Kisangani anakufrape kule munji. Ulilipanga? 0 francs. Amen. Sasa Mungu alinifrape kule Manterne. Bakongo. Vous connaissez, non? Je vous ai toujours parlé de ça. J'ai payé combien? À l'école de Dieu, il n'y a pas de frais académiques. Mais l'école de Dieu nous amène à entrer vraiment dans le diapason de Dieu. L'école de Dieu nous amène à avoir la forme que Dieu voudrait. On a chanté souvent ça. Donne-moi la forme qu'il te faut. La forme qu'il te faut. Donne-moi la forme qu'il te faut. Qu'il me plaît. Qui te plaît. Qui te plaît. Qui te plaît. À l'école de Dieu, Dieu nous fabrique, Dieu nous façonne pour que nous ayons la forme qu'il faut. Mais qu'est-ce que signifie la forme qu'il faut? La forme qu'il faut signifie être conforme au nom que Dieu a prévu sur nous. Hey. Que Dieu te donne cette grâce. Mungu akupatie ile neema mangaribi ya leo. Que Dieu t'y amène. Mungu akupeleke huko. Alors David, sasa Daudi, c'est un jeune homme. Ni kijana. Quand il arrive à la maison, anapofika nyumbani, il constate qu'il y a des visiteurs. Anagundua ya kwamba kuna wageni. Et dès qu'il arrive, na anapofika, Dieu dit à son serviteur, Mungu anamwambia mtumishi wake, c'est lui. Ni yeye. Ouin-le. Mpake mafuta. Et puis le vieux prend la corne. Na kisa huu baba anachukua pembe. Et il lui verse de l'huile. Na anaanza kumpaka mafuta. David ne sait pas c'est quoi cette affaire. Daudi haya hajui ni nini. Bwana asifiwe. Amina. Ni mwanga mafuta. Nini? Qu'est-ce qu'il y a? Ni mwanga mafuta. C'est moi de l'huile. Et l'huile là, ce n'était pas comme une goutte, hein. Na yeye haikukua toni. C'est la corne. Ni pembe. Et donc, na nikusema wana mwanga mafuta. On est en train de verser de l'huile descend partout. Na mafuta natiririka mahali pote. Na nasema nini hii? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il était en train de recevoir son nom. Lakini alikuwa anapokea jina lake. Le chef de nation. Baba mkubwa wa taifa. Le chef de la nation. Mkubwa wa taifa. Le président. Muongozi rais. De la République. Wa taifa. Et il le devient. Na anakuwa ule mfalme. Mais il ne sait pas. Lakini hajui. Comment il saura? Atajua namna gani? Il faut qu'il entre dans l'école. Inaomba ingie ndani ya masomo ya Mungu. Il faut que Dieu lui explique. Inaomba Mungu aanze kumfasiria. Et Dieu. Na Mungu. Va lui donner l'opportunité d'utiliser les mêmes matériaux dans lesquels il était, c'est-à-dire gardien des brebis. L'école de Dieu n'est pas toujours un mystère. C'est aussi les choses dans lesquelles nous sommes naturellement. Regardez David. Mwangalie Daudi. Berger avant l'onction. Mchungaji mbele ya kupata upako. Il est différent. Ni tofauti. Lorsqu'il devient berger après l'onction. Wakati anakuwa mchungaji kisha upako. Bwana sifiwe. Amina. Avant l'onction. Mbele ya upako. David. Daudi. Il est juste en train d'obéir à son père. Iko natii babae. Afin que. Ili. Le troupeau augmente. Ili mafugo endelee kuongezeka. Et quand il y a des visiteurs, on égorge un petit bouc ou na wakati wageni wanafika wanachinja kambuzi. Et comme celui qui garde, on va lui donner le. Na jinsi yeye ndiye anayechunga watampatia chebe. Ndiye bahara. Le kisali. Ah, le kisali c'est pour papa. Chebe. Endabalisha. En fait, dans sa tête comme petit, ndani ya kichwa chake kama mtoto, il n'a pas beaucoup d'objectifs avec ce travail-là. Hana shabaha nyingi na kazi ile. C'est juste un travail. Ni kazi tu. Mais après l'onction, lakini kisha upako, ce travail cesse d'être juste un travail. Hii kazi inaacha kuwa tu kazi. Ça devient une école de gouvernants. Inakuwa sasa masomo ya atakayeongoza. C'est à l'école du gouvernement. Ni masomo ya atakayeongoza. Où il va apprendre environ trois choses. Atajifunza mambo matatu. Trois grandes leçons que nous tirons de lui, de David. Masomo tatu ambao tunatosha ndani ya Daudi. C'est croire Dieu. Ni kumwamini Mungu. Croire à ce que Dieu a dit de moi. Kuamini ile ambayo Mungu alisema juu yangu. Je pense qu'il est resté poser la question à son père pour dire papa, papa Isaïe. Na mimi nalimuuliza babaye Yese. Ni nini leo bwana nimwangia bimafuta. Il pouvait même appeler ça bimafuta. On a versé moi sur moi de l'huile. Il pouvait même dire ça. Ni bani mwangia ba se eh. Petit, tu ne sais pas. Tangu leo. À partir d'aujourd'hui. Wewe ndiye mkuu roi. C'est toi qui es devenu le roi. Parce que la Bible dit dans la suite. Sababu Biblia nasema ndani ya iliyofuata. Au verset 13, Samuel prit la corne d'huile. Éloigné au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc, il ne comprenait pas. La Bible dit aussi que l'onction enseigne tout. Maintenant, il est à l'école de Dieu. Sasa iko kwenye masomo ya Mungu. Derrière les mêmes troupeaux. Nyuma ya zile zile mafugo. Il a cru à Dieu. Alimwamini Mungu. Deuxième grande leçon. Na somo ya pili. Il a obéi aux instructions de son père. Akatii maagizo ya baba yake. D'aller continuer à garder les troupeaux. Ya kuendelea kuchunga zile mafugo. Et troisièmement. Na ya tatu. Il a appris à bien faire ce qu'il est en train de faire. Akajifunza kufanya vizuri ile ambayo alikuwa anafanya. À l'école de Dieu. Kwenye masomo ya Mungu. Dieu ne nous déloge pas brutalement dans ce que nous sommes en train de Mungu faire. Mungu atuhamishi mbio mbio ndani ya ile tunayofanya. Je me dis à un jeune qui sent que Dieu l'a appelé au ministère. Napenda nimwambie kijana ambaye anajisikia kwamba Mungu amemuita kwa huduma. Si Dieu t'a appelé au ministère. Kama Mungu alikuita kwa huduma. C'est une bonne chose. Ni kitu nzuri. Mais sois obéissant dans ce que tu es en train de faire lakini d'abord. Utii ndani ya ile unayoifanya sasa. Sois obéissant d'abord. Utii kwanza. Il y a des leçons que Dieu va te donner entre temps. Kuna masomo ambayo Mungu atakuwa akikupatia kwa wakati ule. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Alors, David va aller à l'école du gouvernement. Daudi ataenda kwenye masomo ya serikali. Dans l'atelier des brebis. Ndani ya ile mahali ambapo kulikuwa kondoo. Pour qu'il apprenne 4 ou 5 choses. Ili ajifunze mambo ine matatu. La première, jambo la kwanza, comment paître les brebis de son père. Namna gani kuchunga kondoo za baba yake. Allô. Allô. Je suis déjà roi. Nimesha kuwa mfalme. Mais je suis roi sur un peuple. Lakini niko mfalme tu ya taifa. Qui ne m'appartient pas. Ambayo sio yangu. Il y a des gens qui sont dans le pouvoir ici. Kuna watu ambao weko ndani ya serikali hapa. Vous êtes en train de diriger. Muko munaongoza. Un ministère. Muko munatawala waziri. Vous êtes au parlement. Muko kwenye bunge. pour discuter des lois sur un peuple qui ne vous appartient pas. Quelqu'un peut dire amen? Bon, comme on appelle, on a kata. Et si tu veux, tu refuses. Parce que la réalité, c'est ça. Alors, Dieu amène David dans cette école-là. Je ne sais pas si c'était G1 ou c'était Doc 1. Sijui kama ilikuwa ni darasa la kwanza ama la pili. Mais il doit bien apprendre cette leçon. Lakini anapaswa kujifunza vizuri somo hili. Je vais bien garder ce troupeau. Nitachunga vizuri hii mafugo. De mon père. Za baba yangu. Quand je serai dans mon poste de roi, wakati nitakuwa ndani ya cheo yangu ya ufalme, je garderai le troupeau qu'on appelle Israël. Nitachunga mafugo wanaoita Israel. Je veux bien le garder. Nitawachunga vizuri. Pour mon père. Ya baba yangu. Ne pas apprendre cette leçon, kukataa kujifunza somo hii, ça te met à côté, inakuweka pembeni, de ton nom, ya jina lako. Lorsque Dieu m'établit pasteur sur vous, wakati Mungu ananiweka mchungaji juu yenu, est-ce que vous êtes mon troupeau? Je, nyinyi ni mafugo yangu? Il y a des pasteurs qui utilisent cette phrase. Kuna wachungaji ambao wanatumia hii msemo. Huyu naye iko brebi yangu. Huyu naye ni kondoo wangu. J'entends dire parfois ça me ça me donne la chair de poule. Inanipatia baridi. Un ami m'a amené une fois à Rivière, frère. On va aller visiter une brebis. Niko na brebi moya hapa. Na ndugu moja akaniambia tutaenda kumtembelea kondoo wake. Uko na brebi? Uko na kondoo? Et puis on partait, on rencontre, je crois, une sœur ou un frère. Ah, bonjour frère, ça c'est ma brebis. Oh frère, toi tu as vas-y, ma brebis yangu, na brebis. Qu'est-ce qui se passe? Nini nayopitikana? Ni brebis yako ulitosha wapi we? C'est ta brebis qui l'a levé où? C'est ta brebis depuis quand? Ni kondo wako ni c'est la brebis de son propriétaire. Ni kondo wa ula ambaye ni mwenye naye. Alléluia. Amina. Toi tu es mort à la croix de quelle montagne? Wao ni kufa kwa msalaba wa mlima gani? Ulikufa kwa wapi? Tu es mort. Est-ce que moi muko ba brebis zangu? Est-ce que vous êtes mes brebis? Non. Vous êtes les brebis. Je dois m'exercer. N'a pas ça il faut que j'en dans l'auditoire. Dans l'école. Où Dieu m'enseigne. Que vous ne m'appartenez pas. De sorte que lorsqu'une brebis quitte à l'arche. Ili wakati kondoo anapotoka kwa kanisa hili. Mwenye brebis anaipeleka. Le propriétaire dit que la brebis l'a amené. Oh non, dans le pasteur alibeba brebis zangu. Oh, le pasteur a pris mes brebis. Où passer vraiment, toi tu es en train de fouiner, de venir puiser dans l'aquarium des eaux. Oh, tu n'as pas toi au Christ. Eh bien, aiko zangu. Ce n'est pas pour moi. Na we aiko zako. Et toi aussi, ça ne t'appartient pas. Et puis il y a une chose. Na kuna jambo moja. Je vais parler sans micro. Nitazungumza bila mic. Vous voulez? Alléluia. Comme Dieu est le propriétaire des brebis, si je commence à faillir à bien vous garder, Dieu va vous prendre un après l'autre et vous amener dans d'autres bergeries. Parce que vous êtes à lui. La Bible dit, Biblia nasema, le bon berger amène les brebis, ses brebis au pâturage pour qu'ils broutent bien. Alors, mais si mon pâturage a séché, le propriétaire brebis fait quoi? S'il vous laisse dans cette bergerie, vous allez mourir de faim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Sasa anafanya nini? Il récupère calmement l'une après l'autre ses brebis et il part avec. Na naenda pamoja nao. Il laisse le monsieur berger ambaye ni mchungaji. Anamwacha yeye peke. Ubakie pale. Hivi hauna cha kupatia hawa watu. Tina pa kwa donea sezon. Ni kutumia hawa watu kwa nini? Pourquoi t'envoyer j'ai observé saison? Cette réalité. Nimechunguza hii ukweli. Même dans la nature. Hata ndani ya mazingira. Lorsque tu n'as pas quelque chose de consistant à donner aux brebis un dimanche, au plan spirituel, Dieu s'arrange d'amener certains de brebis de cette maison-là, de les amener ailleurs où Dieu sait que là il y a de la bouffe. Est-ce que si mina bambi a kwe? Je vous dis la vérité. Batumishi mwenye muko hapa. Les serviteurs qui sont ici. C'est une lourde responsabilité de notre pasteur. Vous avez compris? Ce ne sont pas nos brebis. Si on condose tout. Et David entre dans l'école. Il doit s'exercer. À garder les brebis de son père. Et à bien les faire. Parce que s'il ne le fait pas bien, et qu'un jour papa Isaïe vient dans la brousse pour regarder, et trouve que les brebis ont maigri, le jour suivant, il dit à David, Léo, aujourd'hui, Awende. Tu ne vas pas là-bas. Awende. Tu n'iras pas. Maintenant, ce jeune homme apprend à diriger une nation. Et Dieu le met dans cette école-là. Na Mungu anamweka ndani ya ile masomo. Bwana asifiwe. Amina. On peut continuer? Tunaweza kuendelea. La deuxième leçon que David apprend derrière les brebis, sous l'onction, akiwa chini ya upako, il apprend à bien nourrir, anajifunza kulisha vizuri, à bien diriger, kuongoza vizuri, et à bien protéger na kukinga vizuri, les brebis kondo, de son père. Iza baba yake. La troisième leçon, na somo ya tatu, dans l'école de Dieu, ndani ya masomo ya Mungu, il apprend anajifunza à se sacrifier kwa kujitoa pour une brebis. Kwa ajili ya kondoo mmoja. Pour combien de brebis? Kondoo ngapi? Lorsque il vient dans la bataille contre Goliath, anapokuja ndani ya mapambano, et qu'il dit au roi Saul, Goliath na namwambia mfalme Saulo, vous ne me croyez pas pour rien. J'étais dans la brousse. Nilikuwa huko ndani ya pori. J'ai gardé les brebis de mon père. Na nilikuwa nikichunga kondoo za baba. Lorsque l'ours, wakati dubu, venait attraper une des brebis, nilikuja na inashika moja wa kondoo. Je courais derrière l'ours. Nilikuwa nakimbia nyuma ile dubu. Alors que les jeunes, ijapokuwa ukijana, quand un ours vient, wakati dubu inapokuja, on fait le mouvement contraire. Unafanya hatua ambayo ni tofauti nayo. Quand l'ours vient comme ça, wakati dubu inakuja hivi, on court vers là. On fait le mouvement inverse. Et on crie, papa! Papa! Unalalamika baba! David, Daudi, a appris, alijifunza, a assumé ses responsabilités. Kuzifanya jukumu zake. Quand l'ours venait, wakati dubu ilipokuja, il ne criait pas, yo, mina kulilia, baba! Papa! Comment papa va entendre? Il est à la maison. Baba atasikia namna gani? Yesi ni nyumbani. Amina. Est-ce qu'on peut offrir entre temps? Je tunaweza kuwa tuko tunatoa sadaka zetu. Hein, cherchez votre offrande. Tafuteni sadaka zenu. Faites passer le panier s'il vous plaît. Na mnaweza kupitisha vikapu vya sadaka. Que Dieu bénisse votre offrande. Na Mungu abariki sadaka zenu. Alléluia. Amina. Un étudiant de Dieu. Mwanafunzi wa Mungu. À l'école de Dieu. Kwenye shule la Mungu. Pour être un dirigeant d'une nation, ili awe mwongozi wa taifa, avait besoin alikuwa na hitaji d'apprendre à se sacrifier, ajifunze kujitoa pour une kwa ajili ya kondoo mmoja tu, une brebis, kondoo mmoja. Parfois j'aime lorsque on regarde en Europe et ailleurs dans des pays organisés. Mara napenda tunapoangalia Ulaya kwenye nchi ambazo zinaongozwa vizuri. Lorsque un seul individu ressortissant de la France, wakati mwananchi mmoja ambaye ametokea Ufaransa, a un problème dans tel pays, ana shida ndani ya nchi nyingine ya kigeni, c'est le monde qui est agité, mwangu nzima brebis yetu inalumia kule ku Kenya, notre brebis est blessé au Kenya. Alléluia. Amina. Je crois qu'eux ont réussi à mettre cette loi de David dans leur loi. Nikiwaza hao wameweza kuweka hii sheria ya Daudi ndani ya sheria yao. Pour donner de la valeur à chaque individu brebis de la nation. Ili wampatie samani kila mtu ambaye ni kondoo wa taifa. Alléluia. Amina. À l'école de Dieu, kwa masomo ya Mungu, David doit apprendre Daudi anapaswa kujifunza qu'une seule brebis ya kwamba kondoo moja a de la valeur. Ana samani kubwa. Et Jésus répète ça na Yesu anairudilia dans Matthieu ndani ya Mathayo, chapitre 18 sura 18 verset 12 mstari wake wa 12. Regardez ça. Mtazame hii. Matthieu Mathayo. Vous avez trouvé Matthieu 18 12 Mathayo 18 mstari wake wa 12. Il est écrit que vous ensemble. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Anamfurahisha kuliko wale 99 waliobaki bila kupotea. La valeur d'une âme. Samani ya nafsi moja. Cher pasteur. Hey wachungaji. La valeur d'une âme qui s'égare. Samani ya nafsi moja ambayo umepotea. À l'école de Dieu. Kwenye somo la Mungu. On apprend tunajifunza que ya kwamba une âme nafsi moja peut faire que tu laisses 99 âmes inezi acha unacha nafsi makumi tisa qui sont en sécurité, qui n'ont pas de problème, ambazo siko ndani ya usalama na zina shida yoyote. Mais le faux pasteur, lakini wachungaji wa uongo, il fera quoi? Atafanya nini? Le lion est arrivé, bon, la fois passée je me suis sacrifié devant l'ours. L'ours est plus facile que le lion. Aujourd'hui c'est un lion qui vient. Kama simba. Sasa simba imekuja. Donc David a appris. Ni kusema Daudi alijifunza. À s'exposer. Kujitoa. Devant l'ours qui est un peu plus facile. Kujitoa hatari mbele ya dubu ambayo haina nguvu zaidi kushinda simba. Et Dieu lui a donné un exercice plus haut. Na Mungu akampatia sasa mazoezi ambayo ilikuwa juu ya le lion. Simba. Et pour le lion aussi. David est parti. Il dit, je courais derrière le lion. Je l'attrapais. Et je le déchirais. Et j'arrachais ma brebis. Et je rentrais avec. Oh, que Dieu donne aux Africains des chefs pareils. Je le déchirais. La valeur samani d'une brebis. Ya kondoo mmoja. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la nation. Iwe ndani ya taifa. Si tu as un nom, kama una jina, de diriger un groupe de gens. Ya kuongoza kikundi cha watu. Tu as un nom, una jina, d'avoir un poste de responsabilité. Ya kuwa na cheo ambacho utakuwa na majukumu. À l'école de Dieu. Kwenye masomo ya Mungu. Tu vas apprendre la valeur de chaque individu. Utajifunza samani ya kila mtu mmoja. Celui qui n'a pas compris cela ferait quoi? Ule ambaye kuelewa yeye atafanya nini? Amebeba moyo ase ah hizi zote zingali yo. Beba dikula ningali na 99. Ya nkono na nef mange ça. Ninakuona makumi tisa na tisa. Awezi maliza mbili. Et ne peut pas terminer deux d'ailleurs. Est-ce que le lion peut terminer trois brebis? Je non, son estomac n'est pas à mesure. Il est estomac qui a besoin qu'il soit démoniaque pour juste tuer partir. Et laisser le reste aux hyènes. Anakula kula kisha anaacha ingine nyama. Et donc un mauvais berger, qu'est-ce qu'il ferait? Atafanya nini? Il pouvait même pousser les brebis. Angepaswa kusukuma zile makondo. Allez-y. Mwende. Et lui se cache. Naye anajificha. Dans leurs pattes. Chini ya miguu yao. C'est vile. Ça peut le sauver, non? Sinaweza kumokoa. Parce que le lion peut l'attraper aussi, le manger. Sababu simbe naweza kumuona naye namkula. Mais si tu considères que tu as beaucoup de brebis, lakini kama unaona ya kwamba una kondoo nyingi, et que lorsque tel brebis part, na wakati kondoo moja anakwenda, c'est pas grave. Ah, si hatari. Alors tu n'es pas digne. Wewe haustahili d'être berger. Kuwa mchungaji de ce troupeau-là. Ya ile mafugo. Maintenant, David doit apprendre cette leçon. Sasa Daudi anapaswa kujifunza somo hili. Bwana asifiwe. Amina. La leçon suivante, somo ya kufuata, c'est que dans le parcours de David, dans ses commencements-là, ndani ya ile mwanzo wake, David, Daudi, Dieu amène David de temps en temps à la royauté. Mungu anampeleka Daudi kila mara kwa ufalme. Pour lui montrer comment les choses se passent là-bas. Ili amuonyeshe namna gani mambo inaendeka huko. Je vous ai dit que c'est sans frais académiques. Niliwaambia kwamba kwa shule la Mungu hawalipi pesa za kusoma. Et pour le cas d'espèce, na kwa hii, Dieu provoque Mungu anasababisha une situation là-bas. Anasababisha hali fulani. Saül, le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Saulo Roho Mtakatifu aliondoka ndani yake. Et la Bible dit, na Biblia nasema, un esprit commençait à le souffleter. Pop pepo roho moja ikaanza kumpulizia. Mais le verset dit un esprit venant de Dieu. Na ile Saili nasema ya kwamba ilikuwa roho iliyotokea kwa Mungu. Hein? Mauvais esprit venant de Dieu. Roho mbaya iliyotokea kwa Mungu. Bon asifiwe. Amina. Dieu est en train de créer un exercice pour David. Mungu iko na umba mazoezi juu ya Daudi. Sans frais académiques. Bila kulipa pesa yoyote. Désormais David, na sasa Daudi, tu vas aller à la royauté. Utaenda kwa ufalme. Pour voir comment ça se passe là-bas. Uli uanze kutazama namna gani napitika huko. Comment les gens mangent. Namna gani watu wanakula. Comment les gens sont sécurisés. Namna gani watu wanakingwa. Comment les gens vivent. Namna gani watu wanaishi. Et il y a un besoin à pourvoir là-bas. Na kuna hitaji ya kutimiza huko. Lorsque Saül était soufflé par ces mauvais esprits. Na wakati Saulo alipuliziwa na ile roho mbaya. David savait jouer à son kinanda. Daudi naye akaanza kucheza kinanda chake. Et quand il jouait, na alipokuwa kikipiga, les démons laissaient Saül. Ile mapepe kamwacha Saulo. J'ouvre une parenthèse pour dire, mes amis, naweza kusema hivi rafiki zangu, apprenons à louer, adorer bien. Tujifunze kuabudu na kusifu mzuri Bwana. L'adoration, la louange qui est bien, sifa na mabudu ulio nzuri, déloge aussi les démons. Inaondoa pia mapepo. Alléluia. Amina. Et puis, na kisha, si tu as des problèmes, kama una shida, dans la vie, ndani ya maisha, ne rate pas les moments d'adoration. Usipoteze wakati wa mabudu. Et je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui vont à l'église pour juste écouter la parole. Kuna watu wanaoenda kanisani ili wasikilize tu neno. Oh non, ça il loin jingali. Anaangalia sa. Mimi naenda kutusikia neno kisha mimi natoka. Moi je passe seulement écouter la parole et puis je m'en vais. Et bon, mapepo iko nakufanya vile, njoo iko naacha. C'est pourquoi les esprits t'ont demandé. Ça te fait éviter le temps d'adoration. Na inaacha unakosa wakati wa mabudu. Pour que tu ne puisses pas déloger ces esprits-là. Alors, Dieu créait des opportunités à son école pour David d'aller dans la royauté pour apprendre les choses de la royauté. Quand vous regardez ce texte-là, on vient dire au roi Saül par l'un de ses serviteurs, on lui dit, wakamwambia, quand il est préoccupé de comment il va s'en sortir, anapo juuliza uliza namna gani atatoka ndani ya hali. L'un de ses serviteurs dit, je connais un jeune homme. Mmoja wa watumishi wake anamwambia najua kijana mmoja. Il joue bien à la flûte. Anapiga vizuri kinanda. Il est aussi un guerrier. Na yeye ni mpiga vita. Et Saül dit, na Saulo akasema, allez me le chercher. Mwende mkanitafutie ule kijana. Qui est-il? Yeye ni nani? Non, il est fils d'un certain Isaïe. Yeye ni mwana wa baba moja anaitwa Yese. Et vous pouvez me l'amener. Na mnaweza kumniletea. La Bible dit, Biblia nasema, Isaïe apprêta son fils. Yese akamtayarisha mwana wake. Avec un présent. Pamoja na zawadi. Et l'envoya à Saül. Na kamtuma kwa Saulo. Et quand il arriva là-bas, na alipofika huko, le cœur de Saül l'aima. Roho ya Saulo ikampenda. Et il commença à chanter. Na akaanza kuimba. Bwana asifiwe. Amina. Et quand il chantait, na alipokuwa akiimba, l'esprit laissait Saül. Ile roho chafu ilikuwa ikimwacha Saulo. Le texte dit. Andiko inasema. Saül. Saulo. Décida. Akaamua. De faire de David. Amfanye Daudi. Son porteur d'armes. Kuwa wa kubeba silaha zake. Oh Mungu, oui Mungu. Vraiment c'est Dieu. Dieu va t'amener là où il prépare que tu ailles prochainement. Mungu atakupeleka mahali ambapo anatayarisha. Il va t'y amener ça que tu le saches. Tu ne vas payer aucune facture. Il va t'amener dans ton destin. Sans calcul. Il va arranger lui-même les choses. Avant que tu n'aies pensé même à ça. On a pris le petit derrière le troupeau. Papa, Isaïe a dit, petit viens. On m'a dit qu'il y a un problème là à la royauté. Et il faut que tu ailles faire quelque chose là-bas. Le petit ne sait pas. Il ne sait pas comment on porte les armes d'un roi. Or prochainement, on portera des armes pour lui aussi. Alors quand prochainement, lui-même est roi, et qu'on doit porter ses armes, lui à l'école de Dieu avait déjà fait l'exercice de porter les armes d'un roi. Il a donc des leçons à donner à ses serviteurs. Quand il a eu des vaillants hommes, il avait des principes à leur donner, il avait des leçons à leur communiquer, parce que lui-même est passé par ces choses au travers de l'école de Dieu. Accepte l'école de Dieu. Quand on dit école de Dieu, la plupart d'enfants de Dieu, quand ils parlent école de Dieu, c'est tout ce que vous avez comme idée de l'école de Dieu, c'est les larmes. École de Dieu signifie Dieu va me faire pleurer. Masomo ya Mungu inamaanisha Mungu atanililisha. Mungu atanibomola. Mungu Dieu va me briser. Vraiment. Dieu va me écoutez, détruire. Sikiliza. Même si c'est douloureux. Hata kama ni uchungu. Accepte. Kubali. Dieu te prépare. Mungu anakutayarisha. Pour ta grandeur. Kwa ajili ya ukubwa wako. Dieu te prépare. Mungu anakutayarisha. Pour l'expression de ton nom. Kwa ajili ya kukonyesha jina lako. Dieu te prépare. Mungu anakutayarisha. Pour la totalité de contenu de ton existence. Kwa ajili ya ujumla wa inayokuwa. Dieu te prépare pour ton avenir. Mungu anakutayarisha kwa utao wako. Accepte l'école de Dieu. Kubali masomo ya Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter l'école de Dieu? Kuna mtu anayetaka kukubali masomo ya Mungu. Levez-vous, on va prier un instant. Na msimame tutaomba wakati fulani. Alors l'école de Dieu, sasa hii masomo ya Mungu, elle est efficace et vivace lorsqu'on connaît déjà son nom. Ni nguvu wakati umesha kujua jina lako. Tant que tu ne connais pas ton nom, wakati haujajua jina lako, tu es dans une école qui n'a pas de destination. Unakuwa na masomo ambayo haina mwelekeo. Tu apprends des choses dont tu ne sais pas, tu apprends ça pourquoi. Ambao hujui unajifunza kwa ajili ya nini. C'est pourquoi nous voulons encore prendre quelques 5 minutes. Ndio maana tunatafuta kukamata dakika 5. Mon frère, ndugu yangu, je vous ai dit hier, allez continuer la prière à la maison. Niliwaambia jana muendelee na maombi nyumbani. Kumbia continuer la prière à la maison. Wangapi waliendelea na maombi nyumbani? Ok, Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Prenons 5 minutes. Tukamate dakika 5. Où tu passes à revue. Ambapo unaanza kuangalia. Nous allons rester tous debout. Si sote tutabaki wima. 5 minutes de silence. Dakika 5 ya kimya. Où chacun entre lui-même. Ambao kila mtu anaingia ndani yake. Essaye de retrouver quel est son nom. Na atafutishe ni nini jina lake. Essaye de repérer. Na utafutishe. Écoute la voix du Saint-Esprit au fond de toi-même. Sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako. Pour essayer de retrouver quel est ton nom. Ili upime utafutishe ni nani jina lake. Parce que l'école de Dieu. Sababu masomo ya Mungu. Vient après. Inakuja kisha. Le nom. Jina. Tu ne sauras pas entrer dans une école qui n'a pas de destination. La musique, tu peux jouer à sourdine, mais chacun d'entre nous rentre à lui-même, entre dans ta chambre, la chambre de ton cœur. Essaie de discuter au fond de ton cœur, dit Seigneur. Lakini jina langu ni nani, Mungu wangu? Vraiment mon nom c'est qui, oh Dieu? Jina langu ni nani, Mungu? Mon nom c'est qui, oh mon Dieu? Il y en a qui ont déjà perçu leur nom. Kuna wengine ambao wamesha kujua jina zao. Mais ils n'ont pas cru à ça. Lakini hawakuziamini. Et quand vous n'avez pas cru à votre nom, na wakati haukuamini jina lako, ce nom est rentré dans le dépôt. Si ile jina merudi ndani ya gala. Tu as besoin d'essayer de retrouver ce nom. Il y a quelqu'un qui va dire, moi Dieu m'avait déjà parlé. Mais je n'avais pas pris garde. Je n'avais pas fait attention. Mais je me souviens que Dieu m'avait dit ceci. Enlève ça du dossier, de farde. Ramène ce nom à surface. Et commence à méditer sur ça. Il y en a qui... Dieu leur avait parlé, mais ils avaient refusé catégoriquement. Et avec le temps, cette information s'est éteinte. Dis Seigneur, pardonne-moi. Ramène-moi là où tu m'avais parlé. Et il y en a qui ne savent pas du tout. Ils n'ont jamais eu une visitation de Dieu. Mais aussi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne se fatigue pas de nous visiter. Si dans le passé il y a 10 ans, 20 ans, il t'avait parlé et tu avais fait taire la voix de Dieu, ou il t'avait visité à ce moment-là, il t'avait parlé et tu as fait éteindre ça. Ce soir, leo, tu peux dire Seigneur, visite-moi encore. Kusema, tu peux tena. Dire Seigneur, pardonne-moi. Kusema, donne-moi une nouvelle chance. Unipatie tena bahati mpya. Gardons silence. Tuchunge ukimya. Écoutons l'esprit. Na tusikilize roho.